Chapitre 19. Les vacances font mauvais effet. Les mois se passèrent. M. de Gerville et sa femme n'espéraient plus voir revenir Gisèle. Ils ne le désiraient même plus. Quand elle apportait à ses parents des notes assez satisfaisantes sur son travail, moins bonnes sur son caractère qui perçait malgré ses efforts, mais au total des notes inespérées, sa conduite à la maison semblait démentir la satisfaction que témoignaient les dames du couvent. Elle retrouvait pour ses parents son ancienne impertinence, son insubordination, ses volontés absolues, ses caprices d'autrefois. Plus ses parents lui montraient de tendresse, plus elle leur témoignait de froideur. Plus ils cherchaient à lui complaire, plus elle montrait d'exigence. Avec Madame de Montclair et son oncle Pierre, on retrouvait la Gisèle du couvent, assez docile, presque raisonnable. Cette différence était trop visible pour échapper à la maternité jalouse de Léontine. Elle s'en affligeait et ne savait quel moyen prendre pour obtenir de sa fille ce que les autres en recevaient sans l'avoir demandé. Enfin, elle parut comprendre qu'elle en faisait trop et que cet excès de complaisance lui faisait perdre le respect de sa fille sans gagner son affection. Elle voulut essayer d'une conduite différente. Un jour de sortie, Gisèle bâillait dans un coin du salon. Léontine semblait ne pas y faire attention. Elle lisait. « Maman, dit enfin Gisèle. Léontine. « Que veux-tu, Gisèle ?»« Gisèle, pourquoi m'appelez-vous Gisèle ?»« Léontine, et comment veux-tu que je t'appelle ?»« Gisèle, comme vous m'appelez toujours, cher ange ou cher amour. » »« Léontine, tu n'es ni un ange ni un amour. Je te donne le nom que tout le monde te donne, mais que veux-tu ?»« Gisèle, je m'ennuie. » »« Léontine, c'est ta faute. Ton papa t'a proposé de te mener au bois de Boulogne ou sur les boulevards. » Pour voir toutes sortes de choses curieuses. Tu as tout refusé. Gisèle, parce que cela m'ennuie de sortir avec papa. Léontine, c'est aimable pour lui ce que tu dis là. Gisèle, ce n'est pas ma faute, puisque je m'ennuie avec lui. Pourquoi ne le dirais-je pas? Léontine ne répondit pas. Elle reprit sa lecture. Maman, dit encore Gisèle, d'un air dolent. Léontine ne répondit pas. Maman, reprit Gisèle, d'un air impatienté. Léontine. « Laisse-moi lire, tu m'interromps sans cesse. » Gisèle, « Vous n'êtes plus bonne pour moi. » Léontine, « Je suis pour toi ce que tu es pour moi. » Gisèle, « Qu'est-ce que je suis pour vous ?» Léontine, « Maussade et indifférente. » Gisèle, « Je vois que vous ne m'aimez plus. » Léontine, « Je t'aime quand tu le mérites. » Gisèle, « Et aujourd'hui, trouvez-vous que je le mérite ?» Léontine, « Non, pas du tout. » Gisèle, « Alors je veux retourner au couvent, où tout le monde est content de moi. » Léontine, « Comme tu voudras. J'écrirai à ces dames pour leur expliquer ta rentrée. » Gisèle, « Je ne donnerai pas la lettre, je la jetterai. » Léontine, « Ce n'est pas à toi que je la remettrai, comme tu penses bien. » Gisèle, « Mon Dieu, que je suis malheureuse à la maison !» s'écria Gisèle en fondant en larmes. Léontine fut sur le point de courir à Gisèle, qu'elle s'accusait de traiter trop durement. Mais elle se contint et reprit son livre d'une main tremblante. Gisèle pleura, se roula, cria en vain. Léontine lisait toujours. Elle aussi pleurait, mais en silence, cachant ses larmes à son ingrate enfant. Enfin, les pleurs de Gisèle ne coulèrent plus. Elle s'aperçut que sa mère s'essuyait les yeux. Elle devina que la tendresse était la même et que la sévérité n'était qu'apparente. Cette pensée la consola, car elle avait été réellement inquiète. Elle aimait sa mère en raison de la fermeté qu'elle déployait. Elle se leva, s'approcha doucement du fauteuil de Léontine, et passant son bras autour de son cou, elle posa sa tête sur sa poitrine et dit d'une voix calme « Maman, ne pleurez pas, je ne retournerai pas au couvent avant ce soir, je vous aime. » Léontine, trop émue pour parler, l'embrassa, la serra dans ses bras et recueillant toute sa force pour ne pas se laisser aller au bonheur et à la tendresse qui remplissait son cœur, elle lui dit en souriant « C'est bien, cher enfant, tu fais très bien. » Gisèle, « Maman, voudriez-vous sortir un peu avec moi ?» Léontine, « Très volontiers, chère petite, maintenant que tu es sage. » Et se levant sans l'embrasser encore et encore, comme s'y attendait Gisèle, Léontine alla s'habiller pour sortir. Gisèle, un peu pensive et désappointée, mit son chapeau et attendit patiemment que sa mère fût prête. À partir de ce jour, Gisèle se contint davantage avec sa mère, mais elle se revengea sur son père qui continuait son système de gâterie. Gisèle l'en récompensait par de l'humeur, de l'impertinence et une exigence toujours croissante. Les vacances commencèrent bien et finirent mal. Léontine se laissa aller à de petites concessions, puis à de plus grandes. On était allé passer 15 jours chez M. et Mme de Néry, où se trouvaient Mme de Montclair et M. Tocambel. Un jour, Gisèle voulut aller à une fête de village. Son père, sa mère et toute la société l'accompagnaient. Pierre s'occupait principalement de ses enfants. Ils demandèrent à entrer dans des baraques où on montrait toutes sortes de bêtes féroces. « Non, mes enfants, dit M. de Néry, ces bêtes sont mal enfermées quelquefois. En s'en approchant de trop près, vous pourriez attraper un coup de griffe ou un coup de queue qui vous ferait beaucoup de mal. » Georges et Isabelle, habitués à obéir, n'insistèrent pas et demandèrent à jouer à la loterie, ce que M. de Néry leur accorda avec plaisir. Pendant qu'ils gagnaient des tasses, des verres, des pains d'épices, Gisèle demanda à son tour d'entrer dans la tente des bêtes féroces. Léontine. « Non, Gisèle, ce serait imprudent. Tu as entendu ce qu'a dit ton oncle à tes cousins. Allons voir autre chose. » Gisèle. « C'est que j'ai bien envie de voir les bêtes féroces. » Léontine. « Tu en as vu de bien plus belles au jardin des plantes. » Gisèle. « C'est égal, je veux voir celles qui sont ici. » Léontine lutta quelque temps encore. Enfin, voyant une scène prête à éclater, M. de Gerville dit « Je vais t'y mener. Léontine, avec moi, il n'y a aucun danger. » Léontine. « Mais s'il lui arrive quelque chose ?» M. de Gerville. « Il ne lui arrivera rien. Il y a une foule de gens qui entrent et qui en sortent vivants et sans blessure. » Léontine. « Je veux bien, Victor, puisque tu le veux. Mais prends bien garde. Gisèle, chérie, ne t'approche pas de ces vilaines bêtes. Gisèle. « Soyez tranquille, maman. J'y ferai bien attention. Venez, papa, venez vite. J'aperçois mon oncle Pierre qui revient de notre côté. » M. de Gerville se hâta de payer et d'entrer dans cette baraque infecte. Les animaux étaient d'une maigreur effrayante, leurs poils étaient usés. Ils avaient l'air de galeux mourants. « Qu'ils sont laids, qu'ils sont maigres !» s'écria Gisèle. « Monsieur de Gerville, je ne pense pas qu'ils soient bien dangereux. Ils ont l'air de mourir de vieillesse ou de faiblesse. » Le rugissement d'un tigre qui se trouvait près de Gisèle lui fit peur. Elle fit un saut en arrière, marcha sur quelque chose, trébucha, et alla tomber sur la cage d'un ours noir caché par l'obscurité. Le grognement de l'ours excita le tigre qui recommença à rugir. Gisèle, terrifiée, voulut se relever, mais elle se sentit retenue par sa robe que les griffes de l'ours avaient saisie à travers les barreaux de la cage. Il cherchait à attirer à lui Gisèle qui trébuchait à chaque nouvel effort de l'ours. « Papa, papa !» criait Gisèle. Le tigre et l'ours continuaient leur rugissement. Les autres animaux, excités par les exclamations des personnes présentes, faisaient un vacarme qui attira les gendarmes et la foule. M. de Gerville avait beau soutenir Gisèle et chercher à la dégager, l'ours gagnait du terrain, la manche de la robe de Gisèle était déchirée, les griffes de l'ours commençaient à effleurer sa peau. Un gendarme, voyant le péril que courait Gisèle, tira son sabre et abattit un bout de la patte de l'ours qui se réfugia en grondant au fond de sa cage. Gisèle était tombée aussi par l'effet de la secousse. Le sang de l'ours avait jailli sur elle, et quand son père la releva et l'emporta au dehors, elle paraissait grièvement blessée au bras. Ce fut à ce moment que Léontine, effrayée par les cris qui se faisaient entendre dans la baraque, accourut au secours de Gisèle. Quand elle vit son mari emportant sa fille qui avait le bras ensanglanté, elle poussa un cri et perdit connaissance. Tout le monde mit un empressement charitable à secourir Madame de Gerville et Gisèle. Plusieurs personnes apportèrent de l'eau pour laver le bras de Gisèle et pour mettre ses plaies à découvert. Pendant qu'on s'occupait de Gisèle, Pierre bassinait le front et les tempes de Léontine. Dès qu'elle ouvrit les yeux, il la rassura sur l'état de sa fille qui avait assuré n'avoir aucune blessure, ce qui fut constaté avec bonheur par les assistants. Quand chacun fut tranquillisé, on remercia le brave gendarme qui avait usé de son sabre avec tant d'adresse et d'à-propos. Les dames et les messieurs du château de Néry quittèrent la fête. Gisèle était trempée. Il faisait heureusement très chaud, le soleil l'avait séchée avant qu'elle fût rentrée. Madame de Montclair, si tu avais écouté ta maman, Gisèle, tu n'aurais pas été secouée par l'ours, ni couverte de son sang. Tu n'aurais pas causé à ta mère une frayeur terrible, et tu n'aurais pas troublé la fête pour tout le monde. « Gisèle, je ne croyais pas qu'il y eût de danger, ma tante. » « Madame de Montclair, ton oncle Pierre l'avait dit pourtant. » « Gisèle, c'est vrai. Aussi je n'aurais pas insisté si papa ne m'avait offert de me faire entrer dans cette dégoûtante baraque. » « Monsieur de Gerville, je te l'ai offert parce que tu en avais envie, mon amour. » Gisèle sèchement. « Il ne faut pas toujours faire ce que je demande, vous le savez bien. » Monsieur de Gerville. « Mais, cher amour. » Gisèle. « Oh, papa, je vous en supplie, ne m'appelez pas cher amour. Vous savez bien que je suis loin d'être un amour. » Monsieur de Gerville. « Alors je t'appellerai mon ange, car tu l'es. » Gisèle. « Encore moins. Si vous saviez comme ces choses m'impatientent, je les mérite si peu. » « Cher ange, tu mérites ce qu'il y a de plus excellent !» s'écria le père en voulant l'embrasser. Gisèle s'échappa et courut à sa tante. « Vous voyez, ma tante, s'il est possible que je sois sage et aimable, cela m'ennuie tellement que je serais très contente de voir arriver la fin des vacances. » « Madame de Montclair, ne dis pas de ces choses désagréables pour tes parents, Gisèle. La trop grande tendresse de ton père ne t'oblige pas à faire l'enfant gâté. » Et tu pouvais parfaitement ne pas insister pour obtenir de lui ce que te refusait ta mère. » Gisèle ne répondit pas. Elle continua à marcher près de sa tante, qui exerçait son innocente malice sur le pauvre Tocambel, qu'elle faisait courir, qu'elle secouait et taquinait, à la grande joie de Gisèle. La gaieté de sa tante l'amusait beaucoup plus que les tendresses de ses parents. La fin des vacances ne fut triste que pour monsieur et madame de Gerville. Ils voulaient tous deux ramener Gisèle au couvent. Mais elle demanda si instamment à sa tante de Montclair, qui revenait ce jour-là à Paris, de ne pas les exposer à ce pénible voyage, et de lui épargner à elle-même d'être témoin des larmes de son père et de sa mère, que madame de Montclair lui promit de les en détourner. Elle y parvint non sans peine, en leur représentant le chagrin qu'aurait Gisèle pendant tout le voyage. Léontine. « Pourquoi, ma tante, ne pourrais-je pas accompagner Gisèle au couvent avec vous? Nous prendrions un compartiment tout entier, et nous pleurerions à notre aise. » « Madame de Montclair, c'est précisément ce que je veux éviter, et ce qui ferait mal à Gisèle. Évitez-lui le chagrin de vous voir pleurer. Elle-même m'en a parlé. Elle le redoute beaucoup, et elle m'a prié d'arranger les choses pour que je sois seule à l'accompagner. Pierre, Noémie et tes sœurs resteront avec toi, une quinzaine encore. » Léontine. Et je reprendrai ma vie, isolée et malheureuse. Madame de Montclair. Malheureuse, non. Tu as un mari qui t'aime, un frère, des sœurs qui t'aiment, une tante qui ne te déteste pas, ajouta-t-elle en riant. D'ailleurs, veux-tu que je te revienne après avoir terminé mes affaires à Paris? Ma fille est en Algérie avec son mari, je suis seule avec le père Top, que je ramènerai, n'est-ce pas, mon ami? N'allez pas dire non, car vous reviendriez tout de même. Monsieur Tocambel, est-ce que j'ai la liberté de dire non quand vous avez dit oui? Je serai bientôt mise en pièces, grâce à votre douceur angélique. Madame de Montclair, riant. Assez, on ne vous demande pas tant de paroles. C'est convenu. J'emmène Gisèle et ma tête à perruque. Je laisse Gisèle au couvent et je ramène le gazon, prêt pour la seconde coupe. Il ne me quittera que lorsque je lui donnerai congé. Les choses s'arrangèrent, comme l'avait dit Madame de Montclair, et comme l'avait voulu Gisèle. La séparation fut aussi calme que possible du côté de monsieur et de madame de Gerville. Ils avaient promis à Gisèle de ne pas pleurer. Gisèle était sérieuse. Le plaisir d'entrer au couvent où elle se plaisait était tempéré par la domination qu'elle y subissait forcément. « Adieu, papa. Adieu, ma pauvre maman » cria-t-elle quand elle fut en voiture avec sa tante et monsieur Tocambel. La voiture s'éloigna. Léontine fondit en larmes. Son mari mêla les siennes à celles de sa femme. Il l'emmena dans sa chambre et il réussit à la calmer en lui représentant le bonheur de Gisèle de retrouver son couvent. « C'est incroyable, dit-il. Je ne comprends pas cet amour du couvent. Comment peut-elle préférer la domination si absolue de ces dames à la liberté dont elle jouit chez nous ?»« Léontine, c'est probablement parce qu'elle a besoin de se sentir tenue. Nous lui laissons trop de liberté. Elle en abuse et elle le sent. » Elle est humiliée d'avoir fait des sottises. Au couvent, elle obéit. Ici, elle ordonne. Monsieur de Gerville. Mais comment s'est-elle décidée à obéir, elle qui, malgré sa gentillesse, était toujours en révolte chez nous? Léontine. Parce qu'elle est en nombreuse compagnie pour obéir. L'exemple l'entraîne. La crainte de donner mauvaise opinion d'elle la retient. Et l'habitude de l'obéissance la lui rend facile. Monsieur de Gerville. Enfin, il faut patienter encore un an. La première communion sera faite et nous la reprendrons chez nous. Léontine, si toutefois elle veut bien y rentrer. Monsieur de Gerville, comment si elle veut, je saurais bien l'y obliger, là-dessus je ne faiblirai pas. Léontine, toi, pauvre Victor, tu obéiras à la première sommation de Gisèle. monsieur de Gerville. Tu verras cela. N'en parlons pas d'avance seulement pour qu'elle ne prenne pas le temps de se préparer à la résistance. » Léontine sourit. Elle prévoyait que Gisèle n'en ferait qu'à sa tête et que le père lui céderait au premier mot.